Aux amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir Vincent. Je vais flasher les deux autres comme je c'était prévu de le faire. Ben, on va les rajouter. Donc, le show hebdomadaire où on demande à nos auditeurs de nous poser des questions. Puis on serait bien mal pris si il n'y en avait pas. Cette semaine, on a eu quelques questions pour le Land. Oui, on a quelques questions. Oups, j'ai ouvert le mauvais document. Désolé, les gars. Dans Google Docs? Oui, je suis dans Google Docs. J'ai ouvert c'est le LAM 26 octobre qu'il fallait que j'ouvre. Voilà. OK. J'ai mes questions ici. Déjà en ligne, on va regarder. Est-ce qu'on a un peu de gens qui se sont joints à nous? Oui, en ce moment, on est 9. 9, oui. Excellent. Donc, on va commencer avec les questions qu'on a eues sur nos différentes plateformes, soit Twitter, soit sur Facebook, tout ça. J'ai essayé de ramasser ça un peu. Les questions qui m'ont été adressées aussi pendant la semaine pour essayer de rajouter. Donc, pardon, probablement encore son flash qui est planté. D'abord, on aimerait... Non, j'ai cliqué sur le bouton partager et puis ça m'a débarqué. Ah ben voilà. Tu fais ce qu'il faut, tu reviens et puis on va te rajouter. Deux choses que je voulais dire dans un premier temps. On est bien content de la réponse qu'on a eue pour le podcast de la semaine passée. Il y a eu pas mal de téléchargements, c'était vraiment intéressant. Puis j'espère que les gens ont apprécié. Une fois que Vincent, puisque c'est Vincent ici... qui s'occupe de la post-prod, a mis le podcast sur Internet. Je l'ai réécouté. Et puis, j'ai commis une grosse erreur au début du podcast. J'ai un peu déconné en disant que j'avais pensé à faire ce show-là. Et c'est tout à fait faux. L'idée, en fait, des amateurs de Mac Bonsoir, c'est Bernard Ouellette qui l'a eu, qui l'a partagé avec moi parce que, on en discutait et on voulait faire ça, mais c'est vraiment son idée à lui. Donc, je voulais rétablir les faits parce que j'avais l'air d'un sale con qui s'accaparait les idées des autres. Donc, j'ai été mal avec ça toute la semaine, j'ai mal dormi. C'est pour ça que t'es malade? Ouais, c'est ça, voilà. c'est bien hein, de mixer vie personnelle, tu sais, puis oui, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Voilà. Écoute, on a notre document. Et puis une autre nouvelle aussi intéressante. Vincent, qui est chroniqueur sur le podcast Mac Québec, est officiellement le co-animateur avec moi sur les amateurs de Mac Bonsoir. Donc, il va être avec moi à chaque semaine pour animer. Et puis, il y a JF qui est sur le podcast Mac Québec, qui va être là les semaines où on a le podcast Mac Québec, mais qui ne sera pas là les autres semaines. On va essayer d'alterner. Puis s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous et partager leur super connaissance à Apple, ils seront les bienvenus. On commence tout de suite avec les questions. En fait, peut-être avant de commencer, j'aimerais ça, pour les auditeurs qui sont avec nous, je voudrais plugger la question Mac Québec de la semaine. Donc, Mac Québec sur le blog au macquebec.com pose une question chaque semaine et cette semaine... Un sondage, dans le fond? Un sondage, effectivement. Ouais. Et cette semaine, on demande que restera-t-il de l'influence dans 5 ans, dans 10 ans? L'influence de Steve Jobs, en fait. Est-ce que Apple va pouvoir survivre à son départ? Donc, c'est la question que Mac Québec vous pose cette semaine. Je vous invite à aller sur le site et à répondre à cette question-là. Sinon, cette semaine, en fait, il est possible que ce soit un show très, très court si les gens en ligne ne nous posent pas de questions. Donc, s'il vous plaît... Harcelez-nous de questions. et pour les questions, c'est facile. C'est juste en bas, ici, le petit icône en forme d'ampoule, juste en bas, là-bas. Et vous cliquez là-dessus et vous pouvez poser une question, soit en texte, qu'on peut faire apparaître à l'écran, soit en vidéo. Et là, vous allez vous joindre à nous pour nous poser des questions. Donc, on commence tout de suite. En fait, il y a Louis, cette semaine, ça s'écrit LWWWI, qui nous demandait, en fait, lui cherche une bonne imprimante compatible AirPrint avec les produits Apple, et il nous demandait, en fait, des suggestions. AirPrint, pour récapituler, c'est une technologie, c'est en fait l'intégration de la possibilité d'imprimer à partir d'un iPhone ou d'un iPad depuis, si je ne me trompe pas, iOS 4.2 ou quelque chose comme ça. Donc, c'était une des grosses nouvelles fonctionnalités et, bon, Apple lançait ça en grand en disant qu'il va y avoir des imprimantes compatibles à AirPrint. Et la problématique, c'est qu'il n'y a que des imprimantes HP qui sont compatibles à AirPrint. Mm-hmm. Donc, ce sont habituellement des bonnes imprimantes. C'est sûr qu'il faut y aller avec ses besoins. Et la problématique dans les imprimantes, c'est toujours que les cartouches sont très, très chères. Donc, C'est HP, mais c'est-tu le logiciel qui est inclus dans l'imprimante ou c'est juste une version puis il n'y a aucune compagnie qui peut l'utiliser? Dans le fond, c'est comme un... privé à Apple? Non, ben je pense que les compagnies qui veulent l'intégrer à leur appareil sont obligées de payer une licence de quelque chose à Apple. Okay. Puis il n'y a que HP qui l'a payé. Fait que bon, il n'y a que HP qui le fait. C'est quand même le plus gros producteur d'imprimantes au monde. Ouais. Moi, la suggestion que j'aurais pour Louis, et ça dépend vraiment de ses besoins en termes d'impression, c'est-à-dire que pour moi, en fait, j'ai regardé ça un peu de tous les angles. Et une bonne imprimante, c'est une imprimante laser. Les imprimantes, on nous vend des imprimantes à jet d'angle depuis un bon nombre d'années. Habituellement, les gens vont commencer à imprimer des photos là-dessus. Et la problématique qu'il va avoir, c'est qu'on va passer à travers son encre très rapidement. Donc, moi, je suggère plus de faire l'impression de photos dans une pharmacie, par exemple. Et de faire des impressions de recettes, de plans, de tout ce qu'on a à imprimer en noir et blanc sur une imprimante à laser, qui va coûter beaucoup moins cher au niveau des cartouches. Et la petite twist, c'est qu'il y a un logiciel qui s'appelle Printopia. Ce logiciel-là, je pense que j'en ai déjà parlé il y a quelques temps au podcast Mac Québec. C'est un logiciel que tu installes sur un ordinateur et ton ordinateur devient à ce moment-là un spoiler, c'est-à-dire un ordinateur qui va gérer en fait la discussion. Il va faire comme le traducteur, si tu veux, entre le langage de ton iPhone et ton imprimante. Donc, tant que le logiciel est installé, tant qu'un ordinateur est ouvert à la maison et que cet ordinateur-là est en mesure de parler à ton imprimante, ben tu es en mesure d'imprimer sur une imprimante que tu aurais peut-être déjà ou qui remplirait peut-être plus tes besoins, dans le sens où peut-être qu'une Canon ou peut-être qu'une Brother moins chère, laser, tout ça, avec des cartouches recyclables, va mieux remplir tes besoins en impression. Mais avec Printopia, tu serais en mesure d'imprimer quand même avec ton iOS et pas besoin d'avoir une imprimante AirPrint. J'ai rajouté le lien vers Printopia dans le chat. Donc, ceux qui nous écoutent en direct vont pouvoir l'utiliser. Ou sinon, je vais rajouter le lien dans le podcast en différé. D'accord. On a une question en ligne de JBS. Nous avons des problèmes à mon bureau, de plus en plus de Mac quand on connecte au serveur SBS 2003. Le serveur C'est-tu la question? Small Business Server. Ouais, c'est ça exactement. Donc, c'est une question qui est assez ardue, en fait. On l'a reçue un petit peu plus tôt et on se demandait, en fait, qu'est-ce que la personne voulait dire? Est-ce qu'elle voulait que le serveur reste toujours connecté à l'ordinateur Mac? Parce que des fois, tu as à rallumer, là, à chaque jour, peut-être, tu rallumes l'ordinateur et tu voudrais que les dossiers partagés du serveur apparaissent instantanément sur ton Mac ou bien... s'il y avait d'autres choses. Et pour ça, en fait, l'idéal, ce serait peut-être que tu sois en mode vidéo pour venir nous poser la question, parce qu'il nous manque des détails pour pouvoir y répondre correctement. Ouais, puis si jamais tu veux pas passer justement dans le podcast vidéo audio, fais juste nous éclaircir la situation dans le chat, comme ça on va pouvoir le dire à l'audio, puis on va pouvoir essayer de répondre à ta question. Excellent. Parfait. On passe à la prochaine question. C'est une question de Michel Charrette sur, sur Twitter. Et il nous demandait, en fait, il me demandait cette semaine, lui, il est sur PC et il veut transférer sa bibliothèque iTunes d'un ordinateur à un autre. Et dans des versions précédentes de iTunes, c'était assez ardu. Il fallait aller jouer dans le code HTML. Mais depuis la version 9 de iTunes, Apple a fait des changements et il est possible maintenant assez facilement de pouvoir transférer la bibliothèque de l'un à l'autre. Et c'est vraiment le dossier iTunes qu'on prendrait et qu'on transférerait d'un ordinateur à un autre. Par contre, avant, il faut s'assurer en fait que la bibliothèque a été consolidée et que les fichiers ont été, comment je pourrais dire, structurés d'une façon spéciale qui s'appelle iTunes Media. Donc, la première chose à faire, ça va être d'aller dans les préférences de iTunes sur la version PC. Les préférences de iTunes sont dans le menu édition. Bizarrement, il ne savait pas où le cacher. Il faut aller ensuite dans le menu avancé. À ce moment-là, s'assurer en fait que les deux cases en dessous de iTunes Media Folder Location soient gardées, sa bibliothèque média iTunes organisée, et copier les fichiers média dans le folder quand on les ajoute à la librairie. Il faut s'assurer que ces deux cases-là soient cochées. Ensuite de ça, il faut aller dans le menu fichiers, librairie, et on va faire organiser la librairie. Et là, on va avoir en fait une petite fenêtre qui va apparaître et deux cases qu'on peut cocher, soit consolider les fichiers et réorganiser les fichiers dans iTunes, de iTunes Music. Et une fois que ça est fait, une fois que ça a été fait de cette façon-là, une fois que iTunes est peut-être allé chercher certains de vos fichiers MP3 à d'autres endroits que dans sa propre bibliothèque, à ce moment-là, vous prenez le dossier iTunes qui se trouve sur PC. C'est probablement dans le dossier My Music, Alex? Le dossier par défaut de iTunes s'installe dans le dossier My Music sur PC? Oui, tu vas l'avoir dedans, puis tu vas avoir ma librairie, et dedans, à l'intérieur, c'est ta musique, mes podcasts et compagnie. Excellent. Donc, ça s'appelle iTunes, et c'est ça qu'on prend. On prend tout le fichier et on le transporte sur PC. Puis, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il va le rouvrir avec toutes les metadata associées à vos chansons, avec toutes vos playlists. Il n'y aura pas de problème. Ensuite de ça, je ne sais pas sur Twitter, les gars, si vous connaissez Dominique Desbiens. Qui ne le connaît pas après que Bruno Guglielminetti l'ait plugué à Tout le monde en parle il y a deux semaines de ça. Et Dominique, c'est quelqu'un dont les deux surnoms sont aimables et sympathiques. C'est quelqu'un du lac Saint-Jean, donc c'est sûr qu'il y a ces qualités-là. Et il s'est fait poser une question par Marcel Leloup sur Twitter. Et il nous l'a gentiment renvoyé. Parce que, bon, lui, il se connaît peut-être un peu moins en produits Apple. Il était intéressé de savoir la réponse aussi. Donc, la question, c'est quelle est ton opinion sur les antivirus pour Mac? En connais-tu? Donne-moi ceux qui sont recommandés. D'abord, la première réponse, puis la plus facile qu'on donne à cette question-là, c'est que la plateforme Mac n'a pas besoin d'antivirus à proprement parler. Comme on l'a parlé assez souvent dans le podcast Mac Québec et même dans le dernier épisode qu'on a enregistré juste avant, les problèmes de sécurité sur un Mac sont souvent plus dus à l'utilisateur que carrément à la plateforme. Il y a aussi le fait que seulement 10% des gens qui ont un ordinateur Apple, mais plus il y a de gens qui en ont, plus les hackers sont intéressés à, disons, tester la plateforme. Donc, si on fait preuve d'un minimum d'hygiène informatique, si je pourrais dire, on n'a pas réellement besoin d'un antivirus. Par contre, si on en veut vraiment un, il y a ClamXav, ça s'écrit ClamXav, qui est un logiciel qui est disponible sur le App Store de Apple et qui est disponible aussi sur leur site web. Donc ça, c'est un logiciel qui va vérifier en fait qu'il n'y ait pas de virus qui s'attaque à votre ordinateur et qui va être aussi en mesure de scanner votre ordinateur pour vérifier s'il n'y a pas de virus dessus. Mais par contre, je pense que la version gratuite ne permet pas d'éliminer de virus de l'ordinateur. La seule chose qu'elle va faire, la version gratuite, elle va juste éliminer les spyware. Ah, d'accord. Elle n'élimine pas les virus. Mais habituellement, je ne sais pas si toi, tu en as rencontré beaucoup de GF des virus sur, sur Mac, mais habituellement, quand on en voit un émerger et qu'on lit la procédure pour s'en débarrasser sur notre plateforme, c'est somme toute assez simple. Il faut juste aller dans Activity Monitor, fermer le processus. Ensuite de ça, on s'en va dans tel dossier, on jette un petit fichier aux poubelles. Souvent, en fait, il faut aller dire au compte utilisateur de ne plus démarrer ce logiciel-là à l'ouverture de l'ordinateur. Et puis, c'est fait habituellement. Aussi, il faut aussi vérifier dans le dossier librairie de l'utilisateur. Des fois, il y a peut-être un petit fichier de préférence qui reste du programme du virus. Là. Mais il faut l'effacer aussi, sinon après ça, c'est très simple. Là. C'est bien rare. J'en ai pas vu souvent. Je pense que j'en ai vu un. Fait que, mais c'est drôle, il y en a un qui est sorti il y a quelques semaines, puis je voulais le tester. Parce qu'on avait la recette pour s'en débarrasser, fait que ça me dérangeait comme pas trop. Puis je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Sérieusement, je cherchais sur Google tout ça, puis je voulais l'attraper. Puis j'ai comme pas été en mesure. Fait qu'il faut souvent être badlocké pour... c'est vrai. Mais c'est surtout celui qu'on parlait tantôt sur le podcast Mac Québec, celui du Flash, là. C'est introuvable. Il faut vraiment que tu cherches, sinon tu peux pas le trouver, là. Faut vraiment que tu ailles dans des places assez sordides. Obscures, des espèces de ruelles sombres très tard le soir. Oui. On a une question en ligne de notre très chère Kim Auclair. Et elle nous dit la question. En fait, retweet, elle a reçu un. J'y ai demandé tantôt de la mettre justement dans la section questions pour la montrer à tout le monde. D'accord. C'est pas elle qui la pose. Je reviendrai après le dire c'est qui. Pas de problème. Mais, ouais, c'est ça. Donc, on nous demande... vas-y, Jeff, tiens. La question? Ouais. iCloud ne fonctionne pas avec ne fonctionne qu'avec Lyon. J'ai Snow Leopard et je ne suis pas capable d'arriver de l'activer. Oui, iCloud ne fonctionne qu'avec Lyon. Normal, oui. Apple n'a pas mis encore la mise à jour. On avait vu dans les rumeurs qui sortirait peut-être la version 10.6.9, qui sortirait l'extension de iCloud. Mais pour l'instant, non, iCloud n'est que disponible sur Lyon. Mais il faut voir, en fait, parce qu'avant, on était avec 10.6 et on avait MobileMe qui nous coûtait $100. Là, on a Lyon, puis c'est $29 et ça s'installe sur toute machine qui roule Snow Leopard, va être en mesure de tourner Lyon. Donc, pour $29, tu te retrouves avec iCloud qui est gratuit. Donc, tant qu'à moi, là, c'est un bon échange, c'est un bon trade. C'est 67% de rabais. Oui, voilà. Voilà. C'est sûr qu'on perd une ou deux fonctionnalités, mais Tim Cook avait déjà parlé, là, quand il avait parlé d'iCloud dans les premiers temps, qu'il allait probablement ramener certaines fonctionnalités de MobileMe dans iCloud, certaines qui n'avaient pas été annoncées encore, je veux dire. Donc, Y a-tu parlé de ça, le 4 octobre? Non, c'est un petit peu plus tard, après, quand il y a eu des questions des journalistes, parce que justement, on n'avait pas parlé de Gallery, donc on avait des problématiques à ce niveau-là. Là. Okay. Petite parenthèse aussi, vous avez piqué ma curiosité. Du coup, iCloud est compatible avec Vista et Windows 7. Il faut oublier XP. Ben, moi, je pense que c'est pour tout dans la vie, il faut oublier XP. Ok, oui. Mais il faudrait oublier Windows Vista aussi. Pas faux. Est-ce que tu l'as installé, toi, Alex, iCloud sur Windows? Non, j'ai essayé tout à l'heure, mais bon, il faut que je l'active depuis mon iPod avant de pouvoir l'utiliser sur mon ordinateur. Effectivement. Il y a pour le PC, on n'a pas toutes les fonctionnalités. Évidemment, Back to My Mac n'est pas là, la synchronisation de documents n'est pas là, tout ça. Donc, de base, en fait, ce que les gens de PC vont avoir, c'est la synchronisation des contacts et la synchronisation du calendrier, qui, bizarrement, pour iCloud, fonctionne sur Outlook, sur PC, mais ne fonctionne pas sur Outlook sur Mac. C'est avec les produits Apple intégrés, donc carnet d'adresses, iCal et Mail, que tout ça fonctionne sur Mac. Puis il y a beaucoup de gens qui passent du PC au Mac, qui veulent continuer d'utiliser Outlook, qui est somme toute un produit relativement intéressant. Je peux comprendre que les gens veulent toute leur information dans le même logiciel, que ça se gère mieux de cette façon-là, mais ça ne fonctionne pas sur le Mac. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Non. Ben on a une spécification de plus du monsieur de JBS tantôt pour son affaire de serveur qu'il y a eu au problème à Job. Oui, JBS qui me dit que mon micro, j'ai pas besoin d'aller le manger comme ça. Oui, c'est ça. Il écrit « Quand on connecte via Connect to Server dans Finder, après un certain temps, ça déconnecte. On voudrait savoir comment faire pour rester logué. » Tandis qu'on y est sur le réseau, bien sûr. J'ai comme l'impression, avec ce petit détail-là, je vais me permettre une hypothèse. Il y a probablement un timeout sur la connexion du serveur. Ce timeout-là, c'est mis par l'administrateur serveur. Donc, peut-être qu'il peut prolonger. S'il y a une déconnexion automatique qui se produit, c'est à peu près tout le temps une question de timeout. Puis c'est pour des raisons de sécurité que la personne a mis le timeout. Oui, juste pour ça, là, je suis sûr que c'est ça. J'ai comme l'impression, mais il pourra nous donner d'autres détails éventuellement. On passe à notre dernière question de la journée, à moins que d'autres personnes nous en posent dans le chat. Ça va avoir été un show un petit peu plus court, mais c'est correct. On pensait que le podcast Les amateurs de Mac Bonsoir allait durer environ une demi-heure. Donc, il y a deux personnes qui nous ont posé sur Twitter, en l'occurrence RickJohn35 et Goose37. Donc, deux gars qui sont intéressés, qui sont de 35 et 37 ans, manifestement, et qui nous ont demandé « Est-ce que la biographie de Steve Jobs sera téléchargeable en français? » Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur le App Store, le Bookstore canadien, la biographie est téléchargeable actuellement en anglais, en italien, en grec, en espagnol, et c'est tout. Elle n'est pas. Il est pas en finlandais, je pense. Ah oui, c'est ça. C'est pas en espagnol, c'est en finlandais. Fait que nous autres, on a la biographie en fucking finlandais. Et oui, je dis en fucking finlandais, mais on l'a pas en français. Et j'ai écrit à Apple pour me plaindre puis essayer de les bousculer un peu. Puis ils m'ont renvoyé une réponse qui est très, très Apple. Là, genre, non, malheureusement, le produit n'est pas disponible. Oui, je sais, c'est ça. Je t'ai écrit que le produit n'était pas disponible. Je veux savoir pourquoi il ne l'est pas dans un pays qui est bilingue, mais que les deux langues, c'est surtout pas le finlandais, ni le grec, ni l'italien, tu sais. Fait que Alexis, ça, c'est un... Oui? J'allais te proposer... De toute façon, elle est sortie en France aujourd'hui aussi. Donc, au pire, il y a moyen de soit se créer un compte français sur l'iTunes français, soit de l'acheter directement depuis une boutique française. Je sais, c'est plate, mais là, c'est la seule twist qu'on aurait pour l'avoir en français comme ça. Ben, c'est effectivement la réponse que j'avais, parce que il y a Patrick M. Lozo sur Twitter qui m'a envoyé... en fait, il y a un site qui s'appelle numilog.com. Et sur Numilog, vous pouvez acheter pour 18,35 € ou quelque chose comme ça, vous pouvez acheter la version EPUB de la biographie en français. Donc, une version EPUB, en fait, ça peut se lire à peu près dans tous les lecteurs, y compris iBook. Donc, vous pouvez faire remonter le EPUB dans iBook et elle va vous avoir coûté aux alentours de 25 $. Donc, en fait, tu peux vérifier, Alex, le taux de change de 19 € par rapport au dollar canadien? Devant la série, il le fait, Alex? Non, il le fait pas au Canada. Ah, OK. Donc je vais te laisser calculer ça. Je sais que tu as un convertisseur pas trop loin. Mais donc, ce serait la façon... Puis si tu n'en as pas, ben, je sais que tu es en train de courir comme un malade pour en trouver un. Donc, ce serait la façon, effectivement, de se la procurer en français. Moi, celle que je brandis... Ah, je ne l'ai plus, il y a quelqu'un qui est venu la chercher tout à l'heure. Celle que j'ai brandie dans l'autre podcast m'a été offerte par un de mes clients Et je lui dis merci beaucoup. Et c'est la version française, donc j'étais très content. Je l'ai acheté en version anglaise, en précommande sur le iTunes Store, sur le iBook Store, mais j'aime bien avoir la version papier. Et puis, c'est quand même assez intéressant comme biographie. Les critiques sont sorties et puis on disait qu'il y a souvent deux types de biographies, soit qui sont souvent trop mielleuses, trop gentilles avec le personnage, ou au contraire, soit qu'on essaie de taper sur le clou puis essayer de démolir la personnalité de la personne. Et on dit que la biographie de Steve Jobs ne tombe dans aucune de ces deux catégories-là. Donc, hey, ben, en fait, l'acheter en numérique, ça revient à combien? $25.16. Ah, ça revient moins cher que de l'acheter sur le site de Apple en français. Faut dire que c'est l'édition Hachette qui distribue le livre. Et probablement que la raison pour laquelle on ne l'a pas sur le store canadien, c'est que Hachette a tout simplement pas voulu vendre les droits pour qu'on puisse l'avoir. Mais c'est bizarre ça, parce que Steve Jobs, il me semble que... sur iTunes, son livre devrait être disponible. Oui, mais c'est du domaine de l'édition, puis c'est un domaine qui est assez particulier. Si c'est un domaine qui t'intéresse, je te suggère de suivre Patrick M. Lozo. Lui, c'est un gars qui travaille en bibliothèque, c'est un gars qui travaille dans le domaine du livre, et il s'y connaît beaucoup dans toutes ces questions-là. Mais c'est pas que... T'as pas de passe-droit. Tu fais un livre, le livre est édité, il est fait pour être vendu sur les tablettes de librairie, puis toute la gestion de droit se fait de la manière dont tous les livres, toute la gestion de droit se fait pour tous les livres. Fait que c'est pas parce que t'es Apple puis qu'ils ont fait un bouquin sur ton boss que t'as un passe-droit puis que tu peux le mettre dans ton magasin. Faut vraiment que tu deals avec l'éditeur du livre pour avoir le droit. Et ils ont probablement dealé pour avoir les droits en France. Mais ici... il s'en sacrait un peu. Et probablement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que au niveau du store italien, puis au niveau du store finlandais, puis tout ça, ben ils se sont dit, vu que c'est des langages un petit peu plus petits, on va essayer de les... On fera pas chier pour les droits. On va pouvoir les distribuer partout. Puis à ce moment-là, les Finlandais qui sont à l'étranger vont pouvoir le lire, puis les Italiens aussi. Voilà. Ben écoutez, messieurs, c'est ce qui... Ouais. Je vais rajouter quelque chose dans le chat pour ceux qui sont encore connectés. Je rajoute-tu un logo oui. Pour voir leur opinion? Oui, ça c'est une bonne idée. Mets notre logo puis on va te mettre en pleine page. On a fait un travail collaboratif de design de logo cette semaine. Vincent m'a envoyé un typo qui était vraiment très cool. Et puis moi, je trouvais qu'il manquait peut-être quelque chose. Je l'ai habillé un peu. Ça pourrait devenir le logo des amateurs de Mac Bonsoir. Par contre, quand on rapetisse le logo, on a une problématique puis ça... Ça sort pas nécessairement parfait, mais on va peut-être essayer de tweaker quelque chose. Donc, t'es prêt à montrer le logo des amateurs de Mac Bonsoir? Ben j'ai mis le lien. Ah, OK. Je peux pas vraiment le montrer. Ben je vais essayer pendant ce temps-là. Mais Monte-le avec ton iPad. Oui, c'est ça, je vais le chercher là. Mais j'ai mis le lien. Je peux pas vraiment le montrer. Je vais essayer pendant ce temps-là. Dans le chat, j'ai mis le nouveau logo. Pour l'instant, on va voir si ça fonctionne bien. J'avais fait un petit fond d'écran rapide. Aussi, une opinion, voir là-dessus. Ça, peut-être que vous aimez mieux ça comme logo, je ne sais pas exactement. On verra ça là-dessus. On a demandé à un de mes amis de développer quelque chose. On va voir qu'est-ce que ça va donner et probablement le diffuser dans les prochaines semaines. Donc, ça met fin aux amateurs de Mac Bonsoir pour ce soir. On est bien content que vous ayez été avec nous pour cette émission qui sera disponible en podcast aussitôt que Vincent aura fait la job de pré-prod. Oui, c'est de la job. Hein? J'avais jamais essayé ça, mais c'est quelque chose. Oui? Oui. Tu vas voir, l'expérience rentre. Un peu comme Bernard, les premiers podcasts, ça lui prenait beaucoup de temps. Il a quand même mis 5 heures à éditer le dernier des amateurs de Mac Bonsoir. Et c'est un podcast dans lequel ma voix sortait vraiment mal. Normalement, aujourd'hui, j'ai fait mon setup différemment et ça devrait bien sortir. En fait, c'était pas celui d'aujourd'hui, dans le fond, mais c'est quelle émission? Le 16 octobre, voilà. Du podcast de Mac Québec, qui rentrait pas bien. D'ailleurs, ceux qui l'ont écouté, mais désolé, on essayait d'avoir la meilleure qualité possible, ça n'a pas rentré. Mais ce podcast-ci, là, ça va bien sortir. Excellent. Donc, on dit salut à tout le monde et puis à la semaine prochaine pour le podcast Les Amateurs de Mac. Bonsoir. Bye bye. Dit au revoir. Bonsoir. Salut. Au revoir tout le monde.